Section 20. Chapitre 33. Chapitre 34. Chapitre 33. Le tribunal des loups. 2 heures après, les souterrains de la fosse aux loups présentaient un aspect inusité et vraiment solennel. Ce n'était plus ce désordre qui remplissait la caverne, la première fois que nous avons pénétré dans la retraite des loups. Aujourd'hui, rangés avec méthode, masqués et armés comme pour un combat, ils formaient cercle, debout, autour de la table des vieillards. Ceux-ci étaient sans armes et flanquaient, 4 d'un côté, 4 de l'autre, un siège élevé de 2 gradins au-dessus des leurs où trônait le loup blanc. Un profond silence régnait dans le souterrain. Au bout de quelques minutes, les rangs s'ouvrirent et donnèrent passage à un homme pâle et tremblant, dont le visage exprimait une mortelle terreur. Cet homme était Hervé de Vaunois. Deux loups l'escortèrent jusqu'à la table où siégeaient les 8 vieillards présidés par le loup blanc. « Maître, dit l'un des anciens, il a été fait suivant votre volonté. Voici l'assassin au pied de notre tribunal. Vous plaît-il qu'on l'interroge ? Cela me plaît, répondit le loup blanc. Le père Toussaint se leva. « Hervé de Vaunois, dit-il, des centaines de nos frères sont morts par ton fait. Leur sang pèse sur toi. » Et tu vas mourir si tu ne peux nous prouver ton innocence. Nous avions fait un pacte, balbutia Vaunois. J'ai rempli mes engagements. Vous avez les 500 000 livres. Pourquoi ne tenez-vous pas votre parole? Notre parole n'est rien, répondit le père Toussaint. Celle du maître est tout, et tu n'avais pas la parole du maître. Défends-toi autrement et fais vite. Le vieux loup ajouta sans s'émouvoir le moins du monde. Yomi, prépare une corde, mon petit. Une sueur glacée inondait le visage de Vaunois. « Mes bons amis, s'écria-t-il, ayez pitié de moi. On m'a calomnié près de vous. J'ai toujours aimé tendrement mes pauvres vassaux de la forêt. À l'avenir, je ferai pour eux davantage encore. Je reconnaîtrai par-devant le garde-notes de Fougères le droit qu'ils ont de faire avec mon bois du charbon, du cercle, des sabots, des paniers. Tais-toi, interrompit la voix sévère du loup blanc. Tu mens. La corde est-elle prête, Yomi ? Demanda le père Toussaint. Yomi répondit affirmativement, et Vaunois, tournant les yeux de son côté, vit en effet une corde se balancer dans les demi-ténèbres qui régnaient derrière les rangs serrés des loups. Tout son corps trembla, puis le sang lui monta violemment au visage. « Misérable, s'écria-t-il avec la rage que donne aussi la frayeur portée à l'excès, de quel droit me jugez-vous, moi, gentilhomme et votre maître ? Je serai vengé. « Votre repère sera détruit. Vous serez tous brûlés vifs. Mais non, mes excellents amis, ma tête s'égare, miséricorde. Je ne vous ai jamais fait de mal. On vous a menti. Si vous aviez pu voir de près ma conduite. Pour ton malheur, nous ne te connaissons que trop. Vous vous trompez, reprit Vaunois. Sur mon salut, vous méconnaissez mes sentiments pour vous. Si vous pouviez interroger mes gens, un sursis, mes amis, accordez-moi un sursis, afin que je puisse me justifier. » « Tu veux qu'on interroge tes gens ?» demanda ironiquement Toussaint. « Je le veux !» s'écria Vaunois, se reprenant à cette frêle espérance et désirant d'ailleurs gagner du temps. « Tous, ils vous diront ma tendre sollicitude pour mes pauvres enfants de la forêt. »« Soit !» interrompit le père Toussaint, « on ne peut te refuser cela. » Vaunois respira. « Approchez !» reprit Toussaint en s'adressant aux deux loups qui étaient à droite et à gauche de Vaunois. Les deux loups s'ébranlèrent et, sur un signe du vieillard, firent tomber leurs masques de fourrure. Vaunois poussa un cri d'agonie. « Yvon, fit-il, Corentin !»« Eh bien, reprit encore Toussaint, tes gens vont nous dire la tendre sollicitude ?»« Miséricorde ! » interrompit Vaunois en tombant à genoux. Le tribunal se consulta, ce ne fut pas long. Le loup blanc ne prit point part à la délibération. « Hervé de Vaunois, dit ensuite le vieux Toussaint, avec lenteur, les loups te condamnent à mourir par la corde, et tu vas être pendu, sauf avis autre et meilleur du maître. » Le loup blanc se leva. « C'est bien, dit-il, que Yomi reste auprès de la corde, vous autres, mes frères, retirez-vous. » Cet ordre s'exécuta comme par enchantement. La caverne s'illumina au loin, laissant d'immenses galeries souterraines et d'interminables voûtes. Les loups s'éloignèrent de divers côtés, et bientôt leurs torches parurent comme des points lumineux dans le lointain, tandis qu'eux-mêmes, amoindris par la perspective et bizarrement éclairés au milieu de la nuit, semblaient des êtres de forme humaine, mais d'une fantastique petitesse. Des korriganais, par exemple, les lutins des clairières, ou bien de ces étranges démons qui mènent le bal au clair de lune, sur la lande, autour des croix solitaires, et que les bonnes gens du pays de Rennes apprennent à redouter dès l'enfance sous le nom de chat courteau. Vaunois était toujours à genoux. Le loup blanc descendit les marches de son trône et s'approcha de lui. « Lève-toi, » dit-il en le touchant du pied. Vaunois se leva. « Tu es un homme mort, » reprit le loup blanc, « si je ne mets mon autorité souveraine entre toi et la potence. À quel prix faut-il acheter la vie ?»« La vie, » répéta le loup blanc. « À aucun prix je ne te vendrai la vie, Hervé de Vaunois, assassin de mon père et de ma femme. »« Moi ?» se récria le maître de la Tremblay. « Mais je ne vous connais pas !» Le loup blanc souleva son masque. « Vous ! » s'écria Vaunois stupéfait. « Jean Blanc !»« Tu me croyais depuis longtemps en terre, n'est-ce pas ?» demanda le roi des loups. « Tu ne t'attendais point à rencontrer dans l'homme puissant le vermisseau que ton pied écrasa si impitoyablement autrefois. Dieu m'a tenu en sa garde, non point pour moi, je pense, mais pour le fils de Trémle, race de soldats et de chrétiens. » « Le fils de Trémle ?» répéta Vaunois dont la terreur augmenta. « Encore un que tu as voulu assassiner par deux fois. » Vaunois pensa que le roi des loups en oubliait une. « Par deux fois, » reprit Jean Blanc, « insensé. Tu ne savais pas que cet enfant était ton bouclier. Tu ne savais pas que lui mort, il n'y aurait plus rien entre ta poitrine et le plomb du vieux mousquet de mon père. Que de fois je t'ai tenu en joue sous le couvert, Hervé de Vaunois. » Celui-ci frissonna. « Que de fois lorsque tu passais par les grandes allées de la forêt, seul avec des valets impuissants à te protéger contre une balle bien dirigée, j'ai appuyé mon fusil contre mon épaule et mis le point de mire sur toi. Mais une voix secrète me retenait toujours. Je pensais que j'aurais besoin de toi pour le petit monsieur Georges, et je t'épargnais. J'ai bien fait d'agir ainsi. Le moment est venu où ta vie et ton témoignage deviennent nécessaires au légitime héritier de Trémle. « Savez-vous donc où il est ?» demanda Vaunois à voix basse. « Il est chez lui, dans la maison de son père, au château de la Trémlay. »« Ah ? » fit Vaunois, feignant la surprise. « Oui, » reprit le loup blanc. « Mais cette fois, tu ne l'assassineras pas. Abrégeons, veux-tu sortir d'ici, sain et sauf ?»« À tout prix, » répondit Hervé, qui, par extraordinaire, disait là sa pensée entière. « Expliquons-nous, je ne te rends pas la vie. Tu restes à moi pour le sang de mon père. » Pour le sang de ma femme. Seulement, je te donne un répit et une chance de m'échapper. Pour cela, voici ce que je te demande. » Jean Blanc montra du doigt un coin de la table où se trouvait ce qu'il faut pour écrire et reprit. « Je vais dicter. Écris. » Vaunois s'assit à la table. Jean Blanc dicta. « Moi, Hervé de Vaunois, je déclare reconnaître dans la personne du sieur Didier, capitaine au service de Sa Majesté le roi de France et de Navarre, Georges, petit-fils et légitime héritier de Nicolas Trémle de la Trémlay, seigneur de Bouexis en forêt, feu, mon vénéré parent, en foi de quoi je signe. » Vaunois n'hésita pas un instant, il écrivit et signa couramment sans omettre une seule syllabe. « Et maintenant, dit-il, suis-je libre ?» Jean Blanc épela laborieusement la déclaration et la mit dans son sein. « Tu es libre, répondit-il, mais songe-y et prends garde. Désormais, je n'ai plus besoin de toi. Cache bien ta poitrine, qui n'est plus protégée contre ma vengeance. Va-t'en. » Vaunois ne se le fit point répéter. Il se dirigea au hasard vers l'un des points de lumière. « Pas par là, » dit Jean Blanc. « Yomi, bande les yeux de cet homme et conduis-le au-delà du ravin. Encore un mot, monsieur de Vaunois, vous allez trouver à la Trémlay Georges Trémle, le fils de votre bienfaiteur, le chef de votre famille. Si tant est vous ayez dans les veines une seule goutte de ce noble sang. Reconnaissez-le tout de suite, croyez-moi, et traitez-le comme il convient. » Vaunois donna sa tête à Yomi qui lui banda les yeux et le prit par le bras. Ils remontèrent ainsi tous deux les escaliers humides et glissants qui descendaient dans le souterrain. Puis Vaunois sentit une bouffée d'air et aperçut une lueur à travers son bandeau. Il respira avec délice et ne put retenir une joyeuse exclamation. « Vous avez raison de vous réjouir, » dit Yomi. « Je crois que le diable vous protège, car où vous avez passé, un honnête homme eût laissé ses os. C'est égal, vous l'avez échappé deux fois. À votre place, je m'en tiendrai là. » « Tu es de bons conseils, mon garçon, » répondit Vaunois qui commençait à se remettre. « Je vais vendre mon château de la Trémelay, je vais vendre mon manoir de Bouexy-en-Forêt, et je m'en irai si loin que, je l'espère, je n'entendrai plus parler des loups. Adieu !» Yomi le suivit de l'œil pendant qu'il perçait hâtivement le fourré. « Du diable, si je n'aurais pas mieux fait de le laisser pendre la première fois qu'on a noué une corde à son intention, » grommela-t-il. « Mais le maître a son idée, et il est plus fin que nous. » Vaunois traversa le fourré au pas de course et s'engagea sans ralentir sa marche dans les allées de la forêt. Il ne se retourna pas une seule fois pendant toute la route, et bien souvent il eut la chair de poule en voyant s'agiter les branches de quelques buissons. Aucun accident ne lui arriva en chemin. Lorsqu'il se trouva enfin entre la double rangée des beaux chênes de l'avenue de la Trémelay, il ôta son feutre et tamponna son front ruisselant de sueur en aspirant l'air à pleine poitrine. « Saint Dieu, murmura-t-il, deux fois la corde au cou en 48 heures, c'est une rude vie. Je le ferai comme je l'ai dit, je quitterai la Bretagne, mauvais pays. Avec le prix du domaine de Trémelay, je serai partout un grand seigneur. Mais qui eût cru que ce misérable fou de Jean Blanc vivait encore ? Que je le tienne une fois en mon pouvoir, il ne me mettra plus jamais en joue, ni sous le couvert, ni dans la plaine. » Il continua de marcher en silence, puis il s'arrêta tout à coup, et un sourire de satisfaction entr'ouvrit ses minces lèvres. « À tout prendre, dit-il, je m'en suis tiré à bon marché. Ma déclaration pourra donner un nom à ce petit Trémelay. Si monsieur de Béchamel et le Parlement ne trouvent pas moyen de rabattre ses prétentions, ce qui est fort à espérer. Mais en aucun cas, ce griffonnage ne peut m'enlever mon domaine. J'ai un acte de vente en bonne et due forme. J'ai des amis au Parlement et une possession de 20 années est bien quelque chose. Certes, j'aimerais mieux le capitaine mort que vivant. Mais puisque le hasard le protège qu'il vive, je m'en lave les mains et je fais serment de ne lui jamais rendre un denier de son héritage. » Monsieur de Vaunois, tout en soutenant avec lui-même cet intéressant entretien, était arrivé à la porte du château. Il entra. Jean Blanc, lui, après le départ de son prisonnier, resta quelques instants plongé dans ses réflexions. Puis, avec l'aide de Yomi, qui était de retour, il se noircit le visage et reprit son costume de charbonnier. Cela fait, il quitta le souterrain, descendit au fond du ravin et entra dans le creux du grand chêne. Il s'était muni d'un outil pour creuser la terre. Chapitre 34. Jean Blanc. Quand Didier arriva au château de la Trémelay, après son entrevue avec Jean Blanc, Hervé de Vaunois était absent. Le château gardait l'apparence d'une place prise d'assaut, et le jeune capitaine fut étonné d'apprendre ce qui s'était passé la nuit précédente. Jean Blanc et Marie ne lui avaient raconté, en effet, que ce qui se rapportait immédiatement à lui, savoir l'attaque nocturne, la mort de Jude et la façon dont lui, Didier, avait été sauvé. Il ne savait rien du vol des 500 000 livres, presque rien de l'attaque des loups. La première personne qu'il rencontra sous le vestibule fut monsieur l'intendant royal. Le pauvre Béchamel avait perdu les roses éclatantes de son teint. Il était pâle et sa physionomie abattue exprimait un profond chagrin. Ce fut lui qui raconta au capitaine les événements de la nuit. « Il y a eu trahison, dit-il en finissant. Les soldats et les sergents de la maréchaussée ont été traîtreusement empêchés de faire leur devoir, et cela me coûte 500 000 livres, monsieur. » « Il y a eu trahison, en effet, répondit le capitaine. N'avez-vous nul soupçon ? Ne savez-vous quel peut être le coupable ?» Béchamel mit ses doigts dans sa tabatière émaillée et regarda le capitaine en dessous. « Des soupçons, répéta-t-il, je ne sais trop. J'ai perdu 500 000 livres, voilà ce qui est cruellement certain. Monsieur le capitaine, je donnerai 6 mois de ma vie pour vous voir en possession d'un bon et opulent domaine. » « Pourquoi cela ? » demanda Didier, étonné. « Parce que j'ai perdu 500 000 livres, et que, pauvre comme vous êtes, le Parlement ne pourrait que vous faire pendre ou décapiter. Soit dit, monsieur le capitaine, sans offense et aucune, et avec toute la considération qui est due à votre titre d'officier du roi. « Oserait-on m'accuser ? » s'écria Didier. « Qui donc ? » répondit Béchamel avec mélancolie. « Qui donc prendrait ce soin, monsieur, si ce n'est moi ? Je suis seule victime, et ne me plains point, parce qu'il vous faudrait bien longtemps, monsieur le capitaine, pour me solder mes 500 000 livres avec les émoluments de votre grade. » Didier était dans l'un de ces instants où le cœur est pour ainsi dire inaccessible à la colère, Sa vie venait de subir une crise trop grave pour qu'il songeât à dépenser son courroux contre un personnage comme M. de Béchamel. Au contraire, porté à compatir à ce chagrin qui, en définitive, avait une source sérieuse, et tout plein encore des révélations de Jean Blanc, il répondit à l'intendant à peu près comme il l'eût fait à une personne raisonnable, et lui laissa entendre que sa fortune allait subir un complet changement. Béchamel haussa les épaules. « Quelque héritage de vilain, grommela-t-il. 200 francs de rente, c'est égal. S'il est possible de les saisir, je les saisirai. Mais puissiez-vous me rendre mes 500 000 livres jusqu'au dernier sou, monsieur, nous ne serions pas quittes encore. » « Comment cela ? » demanda Didier, qui ne prit même pas la peine de répondre à ce qui regardait le vol de la nuit précédente. « Comment cela ? » s'écria Béchamel, enhardi par le calme de son interlocuteur. « Vous me le demandez, monsieur ? J'étais le fiancé de mademoiselle Alix de Vaunois. » « Pauvre Alix, » murmura le capitaine. « 500 000 livres et ma fiancée, » reprit Béchamel. « Si j'étais un homme de carnage, monsieur, je vous appellerais sur le pré. » À ces derniers mots prononcés d'une voix plaintive, M. l'intendant royal tira sa montre de son gousset et leva les yeux au ciel. « 11 heures, » murmura-t-il. « Vous verrez qu'au milieu de cette bagarre, personne ne se sera occupé du déjeuner. » Il salua Didier à la hâte et se dirigea vers les cuisines. Didier resta soucieux. Évidemment, M. de Béchamel ne serait pas le seul à l'accuser. Les deniers de l'impôt étaient à sa garde. Pour se disculper, un moyen unique se présentait, c'était de mettre au jour l'infâme conduite d'Hervé de Vaunois. Mais Alix, Alix qui venait de le sauver, Alix si noble et si malheureuse, Didier repoussa bien loin cette idée. Sans y songer, il prit la route de sa chambre. La porte était grande ouverte, il entra. Sur son lit, le corps du brave écuyer Jude était étendu. Une femme, agenouillée au chevet, priait à voix haute, récitant avec lenteur les versets du De Profundis. C'était la dame Gothon Réoux qui rendait les derniers devoirs à son vieil ami. Didier se découvrit et continua de marcher. Au bruit des éperons, la femme de charge tourna la tête. Elle n'avait point encore aperçu le capitaine, et sa vue lui causa une émotion dont la cause restait pour elle un mystère. Didier s'arrêta près du lit. Il considéra longtemps en silence les traits de Jude, auxquels la mort n'avait pu enlever leur expression de fermeté intrépide. « Pauvre Jude, » pensa-t-il tout haut, car il avait oublié déjà la présence de la vieille femme. « Dieu n'a point permis qu'il arrivât au but si ardemment souhaité. » Il est mort avant d'avoir retrouvé le fils de son maître. Il est mort un jour trop tôt. La vieille Gothon Réoux se prit à trembler. « Monsieur, monsieur, » dit-elle, « mes yeux sont chargés de vieillesse. Il y a 20 ans que je n'ai vu Georges Trême, mais au nom de Dieu, qui êtes-vous » On entendit le marteau de la porte extérieure. Didier courut à la fenêtre et aperçut Vaunois qui entrait dans la cour. « Qui êtes-vous » répéta Gothon en joignant les mains. « Vous vous souvenez donc aussi de Trême ?» demanda le capitaine. « Si je m'en souviens, bénis Jésus !»« Eh bien, dame, suivez-moi. Vous entendrez le maître de la Trêmelay me donner le nom qui m'appartient. » Didier quitta la chambre, traversa le corridor à grands pas et se rendit au salon où Vaunois venait d'entrer. La vieille Gothon le suivit de loin. Au salon se trouvaient mademoiselle Olive de Vaunois, monsieur de Béchamel et l'officier des sergents de Rennes. Celui-ci aborda brusquement Didier. « Capitaine, dit-il, hier soir, pendant le souper, vous vous êtes endormi. Ce n'est pas naturel. Pendant votre sommeil, on a pillé le château. Je me suis trouvé enfermé dans ma chambre. Nos gens se sont vus parqués dans une grange barricadée. Que pensez-vous de cela, s'il vous plaît ?»« Il faut demander cela au maître de Séan, » répliqua Didier en allant vers monsieur de Vaunois. Celui-ci se munit de son plus doucereux sourire. « Saint Dieu, mon jeune ami » s'écria-t-il en ouvrant les bras et en faisant la moitié du chemin. « Je viens d'apprendre des choses qui me transportent de joie. La Bretagne retrouve en vous un de ses plus vieux noms, et moi le fils d'un excellent cousin. Embrassons-nous, mon jeune parent. Monsieur de Béchamel et mademoiselle ma sœur et vous tous ici présents, sachez que le vrai nom de ce cher capitaine est Georges Trême. De la Trêmelay, seigneur de Bouëxy-en-Forêt, ajouta Georges lui-même. La vieille Gothon qui arrivait au seuil s'appuya contre la muraille. Ses jambes coupées par l'émotion lui refusaient service. « Je l'avais deviné, » murmura-t-elle en essuyant une larme du revers de sa main ridée. « Oh, que c'est bien ainsi que j'espérais le revoir, beau, fort, l'épée au côté, la mine haute et fière, comme il convient à un Breton de bon sang. » Mademoiselle Olive joua de l'éventail. Monsieur de Béchamel ouvrit de grands yeux. « Peste, pensa-t-il, ce n'est pas un mendiant, après tout. » Tels étaient en effet les noms et titres de Nicolas Trême, votre aïeul vénéré, mon jeune ami, reprit Vaunois, répondant aux derniers mots du capitaine. « Et tels seront aussi les miens, monsieur, » prononça Georges avec fermeté. « Bien dit, » pensa Gothon Réoux, qui admirait chaque mot, chaque geste de son jeune maître. « Monsieur, mon cousin, » répartit Vaunois, en mettant de côté son patelin sourire, « je crois que vous vous faites une idée fausse de votre position nouvelle. Ne suis-je pas l'héritier de mon aïeul ?»« Si fait, mais... »« Mais quoi ?» demanda Georges avec impatience. « Mais quoi ?» répéta en aparté la vieille Gothon triomphante. Il n'y eut pas jusqu'à monsieur l'intendant royal qui, persuadé du bon droit du capitaine, ne se dit in petto « Mais quoi ?» Hervé de Vaunois reprit son sourire. « Mon jeune ami, dit-il, l'emportement nuit parfois et ne sert jamais. À mon âge, on ne parle pas à la légère. Croyez-moi, l'héritage de Nicolas Trême, dont Dieu puisse avoir l'âme loyale en son paradis, ne vous fera pas bien riche. » Le capitaine sentit le rouge de l'indignation lui monter au visage. Il s'approcha de manière à n'être entendu que de Vaunois. « Il y a sous votre toit, dit-il d'une voix contenue et que la colère faisait trembler, une personne que je respecte autant que je vous méprise. Rendez grâce à Dieu de posséder une pareille égide, monsieur. » « Que ne parlez-vous haut, monsieur mon cousin ? » demanda Vaunois, qui fit appel à toute son effronterie. « Misérable, poursuivit Georges sans élever la voix, je pourrais vous livrer à la justice, car vous êtes trois fois assassin. Un ange vous protège, mais vous êtes ici chez moi. Je vous ferai chasser, du moins par les soldats, sous mes ordres. » Vaunois fit un salut ironique. « Mademoiselle ma sœur, dit-il, et vous, monsieur l'intendant, veuillez excuser notre entretien secret. Je vais du reste vous mettre au fait. Mon jeune cousin, pour premier acte de bonne parenté, me menace de me faire chasser de chez moi par les soldats de sa majesté. » « En vérité, répliqua Béchamel, il a donc droit. « Est-il possible ? Dit mademoiselle Olive, lui qui était si aimable hier soir. « Il n'y a point entre nous de bonne parenté, monsieur, » reprit Didier en faisant effort pour concentrer sa colère au-dedans de lui-même. « Je vous menace en effet de vous chasser, mais non pas de votre maison, car ce château est ma propriété. « Pour ça, tu en peux faire serment, mon enfant chéri, » murmura la dame Gothon Réoux. « Oui, da, » s'écria Vaunois en ricanant, « vous croyez cela ? Eh bien, mon jeune cousin, permettez que je m'absente une minute. Le temps d'aller jusqu'à mon cabinet, et je reviendrai vous apprendre une foule de choses que vous paraissez ignorer. » Il sortit. Presque au même instant, la figure noircie du charbonnier Pélo-Rouen se montra sur le seuil. Il tenait sous son bras un petit sac en toile noirâtre qui semblait renfermer un objet fort pesant. Tout le monde avait le dos tourné. La vieille Gothon seule l'aperçut, elle fit un mouvement, mais Pélo-Rouen mit un doigt sur sa bouche et se glissa dans l'ombre projetée par l'un des hauts battants de la porte ouverte. Monsieur de Vaunois reparut bientôt, suivi de Maître Alain. Il avait à la main un parchemin déplié. « Mon jeune ami, dit-il, je vous prie de m'excuser si je vous ai fait attendre. Veuillez prendre connaissance de cet écrit. » Le capitaine prit le parchemin et lut. C'était l'acte de vente tracé tout entier de la main de Nicolas Trême et confié par ce dernier à Hervé de Vaunois. « Monsieur, dit le capitaine après avoir lu, il y a en tout ceci quelque odieuse machination que je ne comprends pas. Comment vous, pauvre et nourri des bienfaits de mon aïeul, avez-vous pu acheter et payer son domaine ?»« L'économie, mon jeune ami, répondit Vaunois en raillant. Avec de l'économie et quelques tritures des affaires, on accomplit des choses réellement surprenantes. Mais là n'est pas la question, et j'espère qu'il ne vous prendra plus la fantaisie de me menacer. Voyons, vous êtes jeune, vous êtes pauvre. Votre aïeul et moi, nous nous sommes rendus de bons services mutuellement. Je ne demande pas mieux que d'oublier votre conduite. Voulez-vous que nous fassions la paix ? Jamais, s'écria Georges en repoussant la main qui lui était tendue. C'en est trop, dit Vaunois en se redressant. Toute patience a un terme. Mademoiselle ma sœur et vous, monsieur l'intendant, vous êtes témoins que j'ai poussé la modération jusqu'à ses plus extrêmes limites. Je crois donc à mon tour pouvoir dire à ce jeune homme qui m'a outragé devant tous « Sortez de chez moi, monsieur !»« Béni Jésus !» murmura la dame Goton. « Il va chasser mon pauvre petit Georges !» Le capitaine se couvrit, lança au maître de la Tremblay un regard de dédain et se dirigea vers la porte. À moitié route, il se trouva face à face avec Pélot Rouen, qui le prit par la main et le ramena au milieu du salon. « Jean Blanc ?» dit le capitaine étonné. « Jean Blanc !» répéta mentalement Vaunois, qui regarda attentivement le nouveau venu. « Saint Dieu, c'est lui en effet, le blanc sous le noir !» Il se pencha et dit un mot à l'oreille du majordome qui venait d'entrer pour annoncer le déjeuner servi. Maître Alain sortit aussitôt. « Que venez-vous faire ici ?» ajouta Vaunois en s'adressant au charbonnier. « Je viens faire justice, » répondit Jean Blanc d'une voix grave. « Je viens, Hervé de Vaunois, t'enlever le prix de 20 ans de fraude et de crime. » Vaunois regarda du côté de la porte. Maître Alain ne revenait point encore. Jean Blanc continua. « Tu t'es prévalu d'un parchemin signé par Nicolas Tremble. Notre jeune seigneur va te répondre par un parchemin signé de toi. « Moi, j'ai signé comme quoi ce garçon est fils de son père !» s'écria Vaunois. « Voilà tout !»« Voilà tout !» répéta Jean Blanc. « Aujourd'hui, c'est vrai. Mais avec ce que tu signas il y a 20 ans, cela suffira !» Vaunois changea de visage. Jean Blanc tira de son sac un petit coffret de fer chargé de rouille. Il le déposa sur le plancher, s'agenouilla auprès et introduisit son couteau dans la fente de la charnière. La rouille avait rongé le métal et le couvercle sauta presque sans effort. Le coffret contenait de l'or et un parchemin que Vaunois reconnut sans doute, car il se précipita pour le saisir. Georges Tremble le repoussa rudement. Ce fut lui qui prit l'acte des mains de Jean Blanc. « Je savais bien, » s'écria-t-il après avoir lu, « je savais bien qu'il y avait fraude et mensonge. Voici une déclaration signée de vous, monsieur, qui porte que tout descendant de Tremble pourra racheter le domaine moyennant 100 000 livres tournois. Et voici les 100 000 livres, » ajouta Jean Blanc en frappant sur le coffret. Vaunois était muet de rage. L'officier rennais, Mademoiselle Olive et Béchamel s'étonnaient grandement, et ce dernier concevait un vague espoir de recouvrer ses 500 000 livres. Quant à la vieille femme de charge, elle s'émerveillait et promettait en son cœur une neuvaine à Notre-Dame de Miforêt. À ce moment, Maître Alain reparut à la porte du salon. Il était suivi des domestiques du château, armés jusqu'aux dents, et des sergents de Rennes. L'œil d'Hervé de Vaunois étincela. « Gardez toutes les issues, s'écria-t-il. Je promets 10 louis d'or à qui mettra le premier la main sur ce brigand. » Il désignait Jean Blanc du doigt. « Cet acte est contre moi, » reprit-il. « Je suis dépouillé, pillé. Mais, saint Dieu, je serai vengé. Regardez bien cet homme, monsieur de Béchamel. Cette nuit, 500 000 livres vous ont été enlevés. Le capitaine n'a pas su les défendre, ou plutôt il les a livrés, et sans doute l'argent que voici, » il montrait le coffret, « et le prix de sa trahison. » « Infâme !» balbutia Georges, mis hors de garde par cette incroyable audace. Monsieur de Béchamel était tout oreille, et l'officier rennais semblait à demi convaincu. « As-tu bien le courage de nier, Georges Tremble ?» poursuivit Vaunois. « Cet homme qui vient à ton secours n'est-il pas le même qui, cette nuit, a dirigé l'attaque ?»« Si j'avais su cela, » grommela Goton, « du diable si j'aurais fait le coup de fusil contre lui !»« Cet homme qui t'apporte ta part du vol, » reprit encore Vaunois, « n'est-il pas de ceux dont le nom est une condamnation ?»« En avant, bon serviteur du roi, emparez-vous du chef des loups !»« Le loup blanc ?» s'écrièrent ensemble Béchamel, Mademoiselle Olive, les soldats et les domestiques. Ces derniers, en même temps, firent prudemment un mouvement de retraite. Les soldats s'avancèrent et entourèrent Jean Blanc. « Saisissez-le !» s'écria Béchamel. « Ah, brigand détestable, tu vas me rendre mes 500 000 livres !» Mademoiselle Olive, au seul nom du loup blanc, s'était hâtée de tomber en pâmoison. Georges Tremble avait tiré son épée, résolu à défendre l'homme qu'il avait servi si puissamment et qui était le père de Marie. Mais il n'eut pas besoin de faire usage de son arme. Au moment où les sergents, rétrécissant leur cercle, allaient mettre la main sur le roi des loups, celui-ci ramassa sous lui ses longues jambes et fit un bond extraordinaire qui le porta par-dessus la ligne des assaillants, jusqu'à l'une des fenêtres du salon. Les soldats hésitèrent, stupéfaits. Jean Blanc se mit debout sur l'appui de la fenêtre. « Quoi que tu fasses, Hervé de Vaunois, dit-il, tu es vaincu, tu n'auras pas même la vengeance. « Feu, feu, mais tirez donc !» hurla Vaunois, qui arracha le mousquet de l'un des soldats et mit Jean Blanc en joue. Georges, d'un coup de son épée, détourna le canon et la balle alla se loger dans le lambris. « Nous nous rencontrerons encore une fois, Hervé de Vaunois, reprit l'albino sans s'émouvoir. « Ce sera la dernière, et tous nos comptes seront réglés. » Il sauta dans la cour à ces mots, puis on le vit franchir la muraille extérieure avec la prodigieuse agilité qui lui était propre. « Feu, feu !» répéta Vaunois, qui tomba épuisé sur un siège. Les soldats firent une décharge. Ce fut du bruit et de la fumée. L'accusation dirigée contre le jeune héritier de Trême ne pouvait se soutenir. Vaunois lui-même n'essaya plus de combattre. Il avait joué sa suprême partie, il avait perdu, il se résigna, au moins en apparence. Monsieur de Béchamel, marquis de Nointel, supporta la perte des 500 000 livres, ce dont le lecteur ne doit point s'affliger outre mesure, attendu que cet intendant royal en retrouvait deux fois autant chaque année dans la poche du roi. Georges Trême, en devenant breton, ne put perdre les sentiments d'affection et de respect qu'il croyait devoir à son souverain. Il ne fit point d'opposition à la cour de Paris, mais il aida les pauvres gens à payer l'impôt et protégea leur travail. Ce sont des cœurs mauvais, intéressés à mal faire, ceux qui déclarent impossible la réconciliation entre le pauvre et le riche. Deux ou trois ans s'étaient à peine écoulés depuis les événements qui précèdent qu'il n'y avait plus de traces de loups sous le couvert. En revanche, on voyait souvent des troupes de bonnes gens agenouillées au pied de la croix de mi-forêt. Ces bonnes gens remerciaient Notre-Dame qui leur avait rendu un fils de Trême, c'est-à-dire un protecteur puissant et un bienfaiteur infatigable. Georges Trême de la Trêmelay n'oublia pas qu'il avait été durant 20 ans Didier tout court. Grand seigneur par le sang, mais soldat de fortune, il crut avoir le droit de consulter uniquement son cœur dans le choix d'une compagne. Certes, il lui était permis de penser que son union ne souffrirait point d'obstacle. Néanmoins, il s'en rencontra un, et des plus sérieux. Jean Blanc refusa péremptoirement la main de sa fille à son jeune seigneur. Et ce n'était point un jeu. Jamais millionnaire repoussant un gendre indigent, jamais duc et pair déclinant l'alliance d'un poète, ne furent plus difficiles à fléchir que le pauvre albinos. Il avait lui aussi ses idées d'honneur, inflexibles, rigides et plus fières à coup sûr que les préjugés réunis de toute la noblesse de Bretagne. Didier ordonna et pria tour à tour et longtemps en vain, mais un jour il eut la bonne inspiration de jurer devant Dieu et sur sa foi de gentilhomme breton qu'il n'aurait point d'autre femme que Marie. Jean Blanc fut vaincu et céda. Il fallait que Trême eût des héritiers. Ce fut un beau jour que celui où Marie passa le seuil du bon château de la Trêmelay. Le calme et la joie y entrèrent avec elle pour n'en plus sortir. Elle n'apportait point d'écusson pour écarteler celui de Trême, mais à tout prendre, il y avait assez d'armoiries diverses sous les austères portraits des vieux maîtres de la Trêmelay. Aucune pièce héraldique n'y faisait défaut. En revanche, d'ailleurs, parmi toutes les châtelaines qui respiraient sur la toile depuis des siècles le parfum de leurs bouquets toujours frais, pas une n'aurait pu disputer à la pauvre fille de la forêt le prix de la beauté, ni celui de la bonté. À raison ou à tort, le capitaine comptait cela pour quelque chose. Bien longtemps après, lorsque les enfants de Georges et de Marie couraient dans les taillis, guidés par la vieille Goton Réoux, il y avait au couvent de Saint-Aubin du Cormier une religieuse du nom de sœur Alix qui les guettait parfois au passage et les embrassait en souriant, car voici encore une erreur qui court les livres. On dit que les bien-aimées de l'époux Jésus perdent le sourire, c'est mentir, elles aiment ardemment, donc elles sont heureuses d'un bonheur qui va au-delà de la mort. Quant à Hervé de Vaunois, voici ce qui advint 6 mois après la rentrée de Georges en l'héritage de ses pères. Vaunois avait quitté la Trêmelay pour se retirer à Rennes. Il fit demander à Georges la permission de prendre dans le cabinet qu'il avait occupé au château quelques objets à son usage. Georges s'empressa de faire droit à cette demande. Vaunoy vint escorté de plusieurs hommes. Son cabinet était celui qui avait servi de retraite à Nicolas Trémle et renfermait cette armoire où le vieux Breton, partant pour son dernier voyage, avait puisé les 100 000 livres dont il a été souvent question dans ce récit. Cette armoire contenait encore de fortes sommes laissées par Nicolas Trémle et d'autres, fruits des épargnes de Vaunoy qui, chargé de ses richesses, reprit le chemin de Rennes. Mais ses valets arrivèrent à la ville sans lui et racontèrent effrayés que sur la lisière de la forêt un coup de fusil était parti au-dessus de leur tête et que Hervé de Vaunoy, frappé d'une balle en pleine poitrine, avait vidé les arçons pour rester mort sur la mousse du chemin. « Nous avons dirigé nos regards vers l'endroit d'où était parti le coup, » ajoutèrent les valets. « La nuit se faisait. Pourtant, nous avons vu une forme blanche sauter de branche en branche, comme il n'est point raisonnable de penser qu'un être humain puisse le faire, puis disparaître au-dessus des plus hautes cimes des châtaigniers. » Le lendemain, on trouva sur la mousse le cadavre d'Hervé de Vaunoy. Auprès de lui était à terre le vieux mousquet que Jean Blanc tenait de son père. Fin de la section 20. Fin de Le Loup Blanc de Paul Féval.